En direct des studios de C'est Fou 89.1 à Trois-Rivières, c'est les Palmarès, c'est fou! Bonsoir et bienvenue au Palmarès, c'est fou! Mon nom est Mathieu Plante, avec vous pour 4 heures de bonne musique. Cette semaine, évidemment, 15 positions anglophones, 15 positions francophones. Et à partir de 20h, une édition spéciale des Palmarès en rappel. J'appelle ça Palmarès moins 6. C'est-à-dire qu'on vous passe les pièces du Palmarès telles qu'elles étaient il y a 6 ans. Mais on commence l'émission tout de suite avec nos 15e positions, deux nouvelles entrées. Du côté francophone, c'est AS Dragon avec Comme je suis. Et ensuite, D avec Real Summertime. On commence tout de suite. Voici AS Dragon sur les ondes du C'est Fou 89.1 FM. Les 15e positions anglophones et francophones du palmarès de C'est Fou de cette semaine. On vient d'entendre D avec Real Summertime, une nouvelle entrée du côté anglophone. Et juste avant, c'était la formation française AS Dragon avec Comme je suis de l'album Va chercher la police, une autre nouvelle entrée en 15e position francophone cette semaine. Maintenant avec moi, pour participer, s'amuser, Marc Périard, rédacteur en chef du journal Zone Campus. Salut Mathieu, ça va bien? Bonjour, très bien. Et toi? Très bien. Grosse semaine avec le journal, hein? Ouais, on a eu une bonne semaine. Le journal qui sort, qui sort lundi, qui est déjà en kiosque un petit peu autour de l'université. Ouais, on le persène toujours un petit peu le vendredi après-midi. On se faufile. On est tellement cachetier comme ça. On vous le donne avant même sa sortie officielle. Les primaires sont disponibles aux étudiants. Absolument. Et plus tard dans l'émission, on va avoir la chance de discuter un petit peu des sujets qu'il y a dans le journal. Et plus tard aussi dans l'émission, on va parler de sport, on va parler d'actualité un petit peu, de questions c'est fou, on va parler de météo, de cinéma, ça va être varié. Très varié, effectivement. Un palmarès de variétas. J'aime ça. Et dès 20h, évidemment, c'est les palmarès moins 6 où on va vous faire un palmarès comme si on était en 2000. En 2000. Ça va être spécial. Ça va être vraiment quelque chose de différent. Mais maintenant, on va l'entendre nos 14e positions. Du côté francophone, on va entendre Navet Confit avec la pièce Sous la table, nouvelle entrée. Et du côté anglophone, ce sera la formation Les Yayayaz. Formation très appréciée, c'est assez fou. Yayayaz avec Gold Lion. On écoute ça tout de suite et ça se passe où ça? Sur les ondes du 89.1. C'est fou. T'es bon. Navet Confit tout de suite. Yeah, yeah, yes, avec Gold Lion, nouvelle entrée en 14e place du palmarès de C'est Fou cette semaine. Et juste avant, du côté francophone, on a entendu Navet Confit avec Sous la table. Maintenant, on va parler un petit peu, comme ça, rapidement, de comment vous pouvez nous rejoindre en studio à Marc. Absolument, absolument. On attend les appels. Absolument, tout de suite, on y vers les lignes. Non, donc, notre numéro de téléphone pour nous parler en studio en direct, c'est le 819-376-5183. Le 819-376-5183. Notre site web est évidemment une adresse tellement facile à retenir que même Marc doit la savoir. Adresse web? Oui. www.cfou.ca. T'es super bon. Bravo. Écoute. Et je suis aussi sur MSN. En ce moment même, vous pouvez me chatter. Si vous êtes in et branché, que vous surfez sur l'autoroute de l'information, vous avez qu'à nous envoyer soit un courriel ou soit nous ajouter sur votre liste MSN au mplante@gmail.com, qui est mon adresse personnelle, ou encore celle du palmarès qui est palmarèscfou@hotmail.com. Les deux fonctionnent. palmarèscfou@hotmail.com. Magnifique. C'est le fun. Oui, mais quand les gens répondent, c'est vraiment merveilleux. Quelle technologie nous fascine? Écoute, l'autoroute de l'information, il n'y a pas de limite de vitesse, là. Non, c'est ça. Puis tu peux surfer dessus en plus. Fait que tu, en plus. Mais ça, il pourrait t'arrêter parce que tu surfes sur une rue, ça a l'air comme un petit peu cave, disons. Un petit peu. OK, on dérape un petit peu, là. Non. Dans le prochain bloc, on va faire un petit peu de météo. Mais avant, on écoute nos 13e position. En fait, on va écouter seulement le côté anglophone pour des raisons quelconques, peu importe. La 13e position anglophone, c'est Rob Zombie avec Foxy Foxy. Et ensuite, on ira tout droit à nos 12e positions, c'est-à-dire WD-40 avec Tristesse, remontée de deux places du côté francophone. Et du côté anglophone, c'est Ben Harper avec Morning Yearning. Vous écoutez quelle émission? Les Palmarès, c'est fou. Où ça? Ah, c'est fou. C'est fou. En tout cas, ben, logiquement, je veux dire, je veux pas être plate, mais il me semble que c'est à peu près ça. Hein. On y va tout de suite. Ah, c'est fou 89 FM. Yes! Ben voilà. Cool. Mon oncle Serge avec Je chante pour les morons, nouvelle entrée en 13e position du palmarès francophone de l'album Serge Blanc d'Amérique. Hein, tu sais, pourquoi pas. Et juste avant, c'était Rob Zombie avec Foxy Foxy, nouvelle entrée en 13e place de l'album Educated Horses. Marc, c'est l'heure de la météo. Oh, oh, à vous, à vous. Donc, voyons ce qu'il va faire dans le temps semi-rapproché et semi-éloigné tout de suite. Ce soir, on annonce un ciel variable avec 11 degrés Celsius. Probabilité de précipitation est à 20%. Cette nuit, nuageux avec averse, 8 degrés. Samedi matin, faible pluie avec 9 degrés. Et samedi en après-midi, 14 degrés avec de la pluie à plus long terme, c'est-à-dire pas fiable. Donc on s'en fout. Dimanche, entre moins 4 et 8 degrés, généralement ensoleillé. Et lundi, entre 1 degré et 9 degrés avec de la faible pluie. Les précipitations prévues de vendredi soir à samedi soir sont de 10 à 15 mm. Donc, on va se faire mouiller. Ça va être un tantinet humide en fin de semaine, je crois. Humide, c'est mauvais. On n'aime pas ça quand c'est humide. Ah, on est mieux quand c'est beau et sec. J'aime ça. J'ai hâte d'ailleurs que ça s'en vienne. Manger de la crème glacée dans un banc de neige n'est pas aussi le fun que sur un banc de parc, mettons. En habit de skidoo, en plus. Avec des mitaines. Et là-dessus. C'est pas génial. Mais en ce moment même, à Trois-Rivières, il fait 12 degrés Celsius avec des vents du nord-est à 6 km à l'heure. 12 degrés. On est heureux. On aime ça. On a chaud. Écoute, vent pas assez fort pour que je puisse me faire dépeigner. On se met du gel, c'est normal. Ouais. Puis on a ouvert la fenêtre dans le studio. En tout cas, on va le faire parce qu'il fait... On s'en va en publicité, on revient avec nos 12e positions, c'est-à-dire WD-40 et Ben Harper. Donc j'ai de tout enlever le suspense de ce qui s'en vient après la pause, mais quand même. Comme haut suspense, on a aussi à savoir quelles positions sont en première position, quelles pièces sont en première position cette semaine. La semaine dernière, c'était du côté anglophone Madcap, ce qu'on va avoir en entrevue d'ailleurs vers les 18h15 ce soir. Et du côté francophone, c'était les Trompe-l'œil avec Bouddha Cinérôle. Puis maintenant, publicité, et ensuite musique, et ensuite discussion et conneries... Et c'est vendredi. Dieu merci, c'est vendredi. Ouais. Les 12e positions du palmarès, c'est fou de cette semaine. On a commencé par WD-40 avec Tristesse, remontée de deux places de l'album Tout pour le rock. Et on vient d'entendre Ben Harper avec Morning Yearning. Nouvelle entrée en 12e position avec l'album Both Sides of the Gun, album double. C'est le fun. On s'en va bientôt à nos 11e position. On s'en va bientôt à nos 11e position. Mais maintenant, on va faire la question. C'est fou. On vous a demandé sur le site web www.cfou.ca qu'est-ce que vous aimez le plus du printemps? Hein? Une belle question. Très pertinente. Tout à fait pertinente. Donc, on a reçu 75% des votes pour les filles qui sont déshabillées. Évidemment, surtout des gars, j'imagine qu'on va te répondre ça. J'imagine, oui. Est-ce question sexiste? Choix sexiste. Il aurait pu demander, il aurait pu dire les gars. Ben, il n'y a pas vraiment de gars déshabillés. Oui, ça, j'en conviens, là. Ça aurait pu être parmi les choix de réponse pour les filles. Les gars qui portent des chandails serrés, mettons. Ouais. Les, tu sais, les gros monsieur, là. C'est avec les bras, là. Avec des pecs. Ouais, c'est ça. Avec des haltères sur épaules, sur des poches. Des tattoos. Ensuite, on a reçu 0% des votes pour les automodifiés qui paradent au centre-ville. Ou qui paradent. Encore des fois, ça arrive, qui paradent. On a reçu 12% des votes pour les terrasses de la rue des Forges. La chaleur du soleil a récolté 0%. Et on a reçu 12% des votes pour Jaillit le printemps et les autos qui m'arrosent. Il y a des gens négatifs dans ce monde. Ça arrive, oui. Il y en a quelques-uns. On peut pas combiner deux réponses. le chaud soleil sur les terrasses. Avec des filles, des beaux chars. Hein? Le monde idéal. Et voilà. À part les autos qui m'arrosent. Ça, j'aime pas ça. Ouais, mais ça peut arriver là quand même. Mm-hmm. En tout cas, moi je vote aussi pour les filles. Ouais. Il me semble, il y a encore des gros bancs de neige dehors, puis on voit déjà des filles qui se promènent en jeu. C'est le fun. Écoute, c'est plus que le fun, c'est. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Donc on arrête là. Ce serait préférable. C'est préférable. Et tout ça pour dire qu'on n'est pas une radio sexiste. Non. On aime les filles, mais les filles aiment C'est fou, les filles écoutent C'est fou, on est là pour elles aussi. Puis, je sais pas où je m'aventure avec ça, mais... Non, mais tu pourrais t'aventurer loin avec ça. Je vais essayer de pas le faire. Bon, à venir dans même pas une heure et demie, un petit peu moins que ça, ça va être les palmarès en rappel, version spéciale, moins 6. On va faire le top 15 anglophone des pièces les plus jouées assez fou lors du palmarès de 6 ans. Tu clair? Le bug de l'an 2000. Les gens se souviennent quand même. C'est vrai qu'ils s'en souviennent. Ça venait juste d'arriver, d'ailleurs. Donc, ça va être la semaine du 31 mars au 6 avril 2006. Mais cette semaine, pour le vrai, dans le vrai monde, on est rendu à nos 11e positions. On écoute, pour commencer, le Husky avec Dans le bois, remonté de 2 places, de la 13e à la 11e. Et ensuite, ce sera Placebo avec Because I Want You, remonté de 4 places, de la 15e à la 11e. Ça se passe tout de suite au palmarès, c'est fou. Et dans le prochain bloc, on va parler un petit peu du Zone Campus avec Marc Périard. Ah oui? Pas de le fun. Non? oui. Un petit peu. Tu le dis? Moi, je dis que ça serait le fun. Très beau journal, vous allez voir ça, vous allez être surpris de voir la couverture dès lundi. Une couverture carte postale. Oui, on pourrait faire des cartes postales zone campus. Avec les zones, absolument. Et des filles le printemps. très beau. Carte postale avec des chiens. On a l'air pervers et absurde. Ok, je m'excuse. Dans le bois, les huskies, tout de suite. Les 11e et 10e positions du palmarès francophone et anglophone de C'est Fou. On vient tout juste d'entendre Nine Black Alps avec Cosmopolitan de la 14e à la 10e position, remontée de 4 places. Donc, juste avant, c'était Pépé sa guitare avec Toi tu l'as, qui descend d'une place. Il était en 9e la semaine passée, il est en 10e cette semaine. Avant ça, on a sauté par-dessus Placebo avec Because I Want You, qui remontait de 4 places pour venir en 11e. Et avant ça, au début, pour vrai, c'était le Husky avec Dans le bois, remonté de 2 places de la 13e à la 11e. C'est un gros bloc. De très, très bonnes chansons. De la qualité. Oui. C'est ce que je dis. Maintenant, Marc Perrière, vous le connaissez, vous l'aimez. Marc Perrière est avec nous pour parler du journal Zone Campus qui sort lundi parce qu'il est rédacteur en chef et homme à tout faire. C'est comme ça, sans commentaire. T'sais. Donc, qu'est-ce qui se passe de bon dans les 3 sections principales du Zone Campus cette semaine? Énormément de choses. Il y a toujours autant d'activités sur le campus. Incroyable. On regarde, il faudrait faire vraiment un hebdomadaire pour vraiment tout couvrir ce qui se passe sur le campus. Ou un quotidien? Non. C'est trop. Non. Pas ambitionné quand même. Non. OK. Donc, j'imagine qu'on va commencer par la section... Actualité. Section actualité, c'est la première du journal. C'est celle-là qui se présente quand on ouvre le journal. C'est poétique quand même. C'est la carte d'invitation. Et voilà, après la couverture magnifique. Est-ce qu'on dit la couverture ou est-ce qu'on garde la surprise pour les gens? Non, faut le savoir, je pense. Ah, tu sais, t'as pas l'air sûr. Non, on garde le suspense. Ah, mais elle est très belle. Elle est très belle, la couverture. Vous allez la voir en kiosque lundi. Mais bon, les actualités, donc. Écoute, on revient sur le dossier de l'augmentation de puissance de la radio C'est Fou. Mm-hmm. On traite de ce qui s'est passé à venir jusqu'à maintenant, là, des négociations qui ont lieu entre le vice-rectorat et la direction de C'est Fou, là, ni plus ni moins. Grosse bataille, David contre Goliath. Oui, David contre Goliath. Aussi, je te dirais, des inquiétudes qui sont pas tout le temps justifiées. Ouais. Dans certains cas, oui, au niveau là, du problème là, de brouillage de certains équipements, que ce soit informatique ou audio. Mais on tendait à dire des supposés problèmes pour la santé des étudiants et de la communauté universitaire dans son ensemble. Pour 1% de la population du monde entier, je crois. Oui, 1%. Mais c'est quand moins même, de 1% même. Moins de 1, oui. Ouais. Ouais. En tout cas. Donc, on explique que c'est ce qui se passe là plus sommairement. Lors du prochain numéro, c'est-à-dire du dernier numéro... De la saison. Pas le dernier numéro à vie. Là. Non. Lors du dernier numéro, on va essayer de revenir plus en profondeur là, pour voir interviewer les principaux acteurs, dont M. Mario Groslot, président du syndicat... des professionnels de l'UQTR qui s'est objecté, lui, en premier, au nom du syndicat, dans le projet de l'augmentation de la puissance de C'est Fou. Mm-hmm. Donc, et une entrevue peut-être avec le comité de l'environnement. Oh, ça va être bon, ça. Oui, qui a endossé les inquiétudes du président du syndicat. Sont donc du côté de l'UQTR et non pas du côté de C'est Fou, c'est ça? Oui, exactement. Si on peut faire un résumé bref comme ça. Bref comme c'est ça, pas exactement mais, ça, mais on vous invite à lire. Mmh, on vous invite à lire. On revient peut-être un petit clin d'œil aux étudiants de l'Université McGill qui ont confectionné vraiment une belle banderole pour encourager leurs supporters, les Redmen de McGill. On parle du hockey universitaire ici, là, dans ce cas-là. Donc, la banderole est dressée et... De cette manière, c'est-à-dire les Patriotes en 1837-1838 égale loser. 2005-2006, donc ces Patriotes-là même, égale loser. C'est probablement la pire insulte que j'ai vue de ma vie. C'est comme vraiment, vraiment mauvais comme insulte, non? C'est le mauvais goût, là, effectivement. Et les gens n'ont pas réfléchi là, avant de se promener avec une telle banderole, surtout qu'une des personnes qui tenait la banderole est l'aspirant au poste de secrétaire général de la Fédération étudiante universitaire du Québec. Et il va en entendre parler de ça, là. Est-ce qu'il a fait ses excuses? Ben, il a présenté ses excuses, effectivement, aux membres de l'AGE UQTR tout dernièrement, c'est-à-dire le 27 mars. Mm-hmm. Donc, mais sur une... sur une trame, je te dirais, Mathieu, humoristique, légère. L'étudiant de McGill considère qu'il a mot couvert, là, qu'il a fait une erreur, le regrette sincèrement. Tout en se disant solidaire, il se dit encore plus motivé à exaspérer les partisans des patriotes de l'UQTR. Donc, c'est quand même particulier, là. C'est particulier, en effet. Ouais, donc, un petit clin d'œil à cet étudiant-là sympathique. Qui est vraiment la francophonie, là, on parle. Là, c'est très bien. Ouais. On revient sur les élections de l'AGE-UQTR. C'est immanquable, il fallait revenir là-dessus. On a été en mesure de recueillir les commentaires à chaud le soir, lundi dernier, lors du dévoilement du vote. Donc, les candidats réagissent et on en fait mention dans le journal de leurs principales observations de la campagne et du résultat. On a aussi une entrevue avec le directeur général des élections, Monsieur Cédric Pinard, qui nous parle de son travail. Qui lui trouve que le taux de participation est satisfaisant lors de cette dernière élection. C'était un 10-11% dans ces coins-là. Environ 10%, il me semble. Environ 13%. 13%, d'accord. Ouais. Encore mieux, dans le fond. 13%, c'est quand même une augmentation de 4% par rapport à l'an dernier. Le taux de vote était de 9%, donc c'est une augmentation. Dans ces conditions-là, c'est ce que le DGE des élections souhaitait. Donc, pour lui, c'est mission accomplie, tout en sachant qu'il y a encore du travail à faire à ce niveau-là, là, sur le campus. On peut féliciter quand même les élèves d'être allés voter. Oui, on les félicite. Ceux qui l'ont fait. Bravo, c'était un grand effort à faire. Et on invite à ce temps les étudiants qui n'ont point voté. Et voilà. Donc, ils en ont pour un an. C'est long, le silence. Il y a aussi un gros dossier spécial sur un envoyé spécial, c'est-à-dire toi. Oui, correspondant à l'étranger du Québec. Oh, on est rendu big. Bon, on est rendu deux provinces plus loin, au Manitoba. C'est quand même pas vers l'avant. Écoute, c'est bien le Manitoba, mais c'est plat, hein? C'est plat. Oui, c'est plat. C'est pas plat. Non, on n'est pas comme ça du tout. Donc, okay. c'est ça, pour moi, ça a été l'occasion là-bas de pouvoir visionner une primaire, c'est-à-dire un documentaire qui a été réalisé par des étudiants universitaires, des journalistes des universitaires, lors du sommet le sommet sur la société de l'information qui se tenait en Tunisie, dans la capitale, Tunis. Donc, je dresse le tableau là, général de l'ensemble du film. Je te dirais, grosso modo, là, les journalistes ont eu beaucoup de difficultés à faire leur travail. Oh, empêchés de séjour. Oh, poignardés. Et puis, certains malmenés. C'est quelque chose d'un gros dossier. L'ONU a qualifié ces gestes-là de simples malentendus. Ben oui. Oups, je me suis enfargé dans mon poignard. Ça faut être politiquement correct à l'ONU. Ouais. Hein. Mais bon. Et on parle en général de ce qu'il le si peu, parce qu'on met souvent nos correspondances si peu. Mais pour les gens qui sont pas déshabitués vraiment de presse et de presse universitaire, le si peu, ça ne dit point grand-chose. Donc, on explique ce que c'est en général le si peu, le mandat du si peu, et un bref historique comment ça a parti, toute cette histoire-là. C'est vraiment très jeune, ça a à peine 3 ans, le Carrefour international de la presse universitaire francophone. Donc, c'est pas un mot comme ça, c'est des lettres qui veulent dire quelque chose. Oui, Carrefour international, universitaire. De la presse universitaire. De la presse universitaire, pardon, francophone. Merveilleux. Présente dans 25 pays du monde. Wow. C'est pas rien. C'est pas rien du tout. Et il y a aussi un dossier sur le pavillon Ringuet. Oui. Tout bonnement, il y a des étudiants qui nous sont venus au journal, ils nous ont dit, ah, le pavillon Ringuet commence à se détériorer un peu. On est allé voir ce qui se passait vraiment. Et effectivement, oui. Quelques légers problèmes. Les photos en témoignent. Légers problèmes, en effet. Par endroits, c'est pas très joli. Mais, la bonne nouvelle là-dedans. Oh, il y a une bonne nouvelle. Ben oui. C'est que l'université va injecter 634 000 $ ainsi que le ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport du Québec qui va injecter le même montant. Donc, les travaux commencent cet été. Oh! L'université au service de ses étudiants. Des fois. Magnifique. Vraiment bien. Il reste encore dans l'actualité une section vie étudiante comme toujours. Oui. Plein de bons trucs. Le Vox Pop aussi. Le Vox Pop, la question Vox Pop, on la laisse secrète. Les gens vont pouvoir se voir et voir les réponses de leurs amis. On laisse le suspense courir. Ouais. Et un alignement politique aussi sur la valeur de la démocratie. Oui, sur le taux de participation lors des dernières élections ici à l'AGEUTA. Merveilleux. Je crois que c'est tout pour l'actualité dans ce cas-là. On reviendra plus tard oui, avec... Oui, ça fait le tour, Mathieu. Merci beaucoup. En bref, là, mais vraiment en bref. C'est des articles à lire absolument et on revient plus tard avec l'art et spectacle, les arts et spectacles, plusieurs arts et différents spectacles et aussi les sports, un petit peu moins de sports par exemple. On revient avec une entrevue avec Madcaps plus tard dans l'émission, ça va être vers les 18h15 dans ces coins-là, mais nous, pour l'instant, on s'en va entendre tout de suite nos 9e positions. Mimi van der Loo est en 9e francophone avec la pièce Vert de terre remontée de 6 places, c'est un single qu'on a reçu cette semaine, on les connaît, on les aime, c'est eux qui avaient fait la pièce Polaroid. C'est un gros succès, voilà, c'est fou. Mais oui. Mais oui, franchement. Et du côté anglophone, c'est Science Fiction avec The Quiet Death of the Soul, remonté de 4 places de l'album Flesh and Circuits. Mais tout de suite, voici Mimi van der Loo sur les palmarès, c'est fou. Où ça? 89.1. Yeah! Mimi van der Loo avec la pièce Vert de terre en 9e position de notre palmarès francophone cette semaine, remonté de 6 places. Je m'améliorerai jamais en maths. Et du côté anglophone, juste avant, on a entendu Science Fiction avec The Quiet Death of the Soul, remonté de 4 places de l'album Flesh and Circuits. C'est excellent. Donc, dans quelques minutes, si toutes les choses se... Si toutes les choses se passent bien, on devrait avoir un Madcaps en entrevue. Frédéric Pellerin de la formation Madcaps, formation oh. qui vient. Oh. C'est big. Sont big, eux autres aussi. Ils sont encore sur notre palmarès, c'est fou. Il va falloir savoir, avec le suspense, voir en quelle position ils sont rendus cette semaine. Mais c'était notre première la semaine passée. Et juste après la pause, la musique de Ermine et de Paul-Émile Bazar. Vous écoutez les palmarès, c'est fou sur C'est fou 89.1 avec... Marc Perriard. Je ne fais pas de ton nom. Et Mathieu Plantier. Et Mathieu Plantier. C'est beau. C'est le fun. Tout un duo. On va en plus, puis on revient. OK, bye-bye. Oh. La 8e position du palmarès francophone de C'est fou cette semaine, Paul-Émile Bazar avec Besoin de lunettes, remonté de 4 places de l'album Aval ta montre. Dans quelques minutes, on va entendre Ermine, la 8e position anglophone, mais en ce moment, en onde avec nous, on a Frédéric Pellerin du groupe Madcaps. Bonjour, ça va? Allô, ça va bien? Super, et toi? Ben, je te l'ai déjà demandé. Et donc, groupe trifluvien, Madcaps, on vous connaît ici, on vous aime, vous étiez en première position du palmarès de C'est fou la semaine dernière. C'est très cool. On ne sait pas si vous l'êtes encore, on veut garder le suspense là-dessus. Mais pouvez-vous nous parler... est-ce que tu veux nous parler un petit peu du groupe, des membres? Qu'est-ce que tu fais dans le groupe? Ben, moi, je m'appelle Frédéric Pellerin, puis je suis le chanteur du band. Puis, en fait, c'est, je suis originaire de Trois-Rivières, comme le saxophoniste René de Montigny. C'est ça, en fait, en ce moment, on est en tournée à travers le Canada. On vient de finir, on achève, en fait, notre tournée. Il nous reste 2 spectacles. On vient de faire 35 spectacles en 1 mois et demi, un petit peu partout, de Montréal à Vancouver. Fait que ça a été, je te dirais, très intense, puis la réponse est très bonne. Je te dirais, autant au niveau des radios commerciales où ça commence à jouer, Much Music, puis autant que Radio Universitaire, puis je te dirais que le monde embarque bien, là, ça va très bien. C'est fantastique, on est content pour vous d'ailleurs là-dessus. Donc, c'est votre 2e album, si je comprends bien. Oui, absolument, on a sorti ça en 2003. Selon la sortie, ça fait juste 1 mois et demi, donc c'est assez récent. Puis, comme je t'ai dit, on a décidé, nous autres, de partir en tournée tout de suite après la sortie de l'album, le faire pendant qu'il était chaud. Puis, je pense que c'est une bonne tactique parce que tout se passe très bien. Puis, on est content de représenter Trois-Rivières à travers le Canada. vous avez changé de style entre le premier et le deuxième album. Le premier est un petit peu plus funk. Quelle était l'évolution, si on veut, de votre groupe pour changer de style comme ça en 2 albums? Ça a été une évolution, je te dirais, qui a été naturelle parce que... C'est peut-être partant un peu de mon désir. C'est peut-être moi qui ai amené un peu les autres dans cette direction-là, de me concentrer plus, je te dirais, sur faire des chansons un petit peu plus concises, un petit peu plus directes. Puisque sur l'autre album, on avait beaucoup expérimenté au niveau là des... tu sais, il y avait des éléments un petit peu plus jazz, un petit peu plus expérimentaux, funk. Puis cet album-là, je voulais plus y aller, faire un album vraiment de se concentrer sur l'essence de la chanson. Puis vraiment essayer de chercher aller vers le cœur de la chanson. T'sais. Mais en même temps, il y a des chansons qui sont funky sur l'album. On n'a pas délaissé pour autant le funk. Puis en spectacle, je te dirais, c'est vraiment un mélange des deux albums puis des deux styles, puis ça se complète très bien. Ouais, justement, un spectacle de Madcap, ça ressemble à quoi? C'est beaucoup de magie, beaucoup de soir. Je te dirais qu'on se donne vraiment, c'est vraiment c'est si on se donne autant s'il y a 15 personnes un lundi soir à Saint-Ouen-Ouen dans le fond du BC que si on joue dans 3 personnes, tu sais, un vendredi soir, tu sais, on partout on joue parce que des fois on joue, on a il y a des endroits où est-ce qu'on joue qui nous connaissent bien puis où on a beaucoup de gens qui viennent nous voir. Puis on a d'autres endroits où on défriche, donc que les gens ne connaissent pas, puis on fait que des fois ça arrive qu'on joue devant moins de monde, puis des fois ça, le lendemain on peut jouer devant une salle pleine, fait que ça, je te dirais que c'est très formateur pour un band. Puis ça nous a montré nous autres à vraiment tout le temps se donner à fond. Puis je te dirais les gens s'en souviennent de toi, puis la deuxième fois que tu retournes à cette place-là, ils reviennent. Puis je te dirais, on se donne jamais à moitié là. Mm-hmm. Même quand on est complètement brûlé puis qu'on a fait 10 heures de route durant la journée, on se donne jamais à moitié. Fait que ça donne, je pense qu'on commence, les gens commencent à nous reconnaître puis commencent à nous connaître un peu partout à travers le Canada. Mm-hmm. Puis ça commence à porter fruit là, mm-hmm. réellement, là, je te dirais. Est-ce que vous êtes venu souvent à Trois-Rivières? Vous êtes venu récemment? Oui, on a joué quand même une dizaine de fois. Là, on va jouer au Festival de l'art vocal le 4 juillet. Okay. Je pense que c'est la fête de Trois-Rivières, justement. On va jouer le 4 juillet. Puis on est venu jouer, ça fait pas tellement longtemps, au Ganginus. Mais peut-être qu'on va revenir entre-temps ou après aussi. Mais c'est certain qu'on vient cet été au Festival de l'art vocal. Ça, c'est clair. Vous avez tourné des vidéoclips. Un vidéoclip au moins, récemment? Oui, absolument. On vient de faire la chanson « Noël ». C'était comment, enregistrer un nouveau vidéoclip comme ça? Oh ben, ça a été super cool, surtout qu'on a travaillé avec deux gars qui sont complètement malades, Félix La Jeunesse et Paul Raphaël, puis ont fait un vidéo où est-ce qu'il y a beaucoup d'animation par ordinateur. Ça a l'air d'être un vidéo vraiment de américain, gros budget quand tu regardes ça, puis en même temps, c'est très... c'est vrai que c'est très montréalais ou à limite européen dans le look, là, c'est vraiment pas une vidéo à la 50 Cent. Là. Mais je te dirais qu'avec les moyens qu'on avait, on a fait de quoi qui est vraiment impressionnant. Puis pour que Much Music l'embarque, ouais. En venant pas d'une compagnie qui est un major, c'est déjà assez étonnant. Là. Ouais. Fait que c'est une vidéo qui est vraiment de qualité, moi j'étais vraiment, vraiment content. Là. Puis embarquer aussi ces ondes de Musimax. Je sais pas pourquoi que l'on peut embarquer à Music Plus, en tout cas, ça joue en rotation quand même assez forte à Musimax depuis cette semaine. Fait que nous, si vous voulez le voir, ça passe quand même assez régulièrement. Puis il est sur notre site aussi, internet, ouais. qui est themadcaps.com. Si vous voulez aller le voir, je pense que ça vaut la peine. Ouais. Ça doit être bizarre justement de voir son propre vidéoclip sur les ondes de la télé comme ça. C'est le fun, c'est que quand t'es jeune, t'as 15 ans, que tu regardes Musique Plus, puis quand t'es musicien, c'est ton rêve de justement d'entendre ta chanson à radio ou sur un poste de télévision, puis c'est vraiment le fun que ça se passe en ce moment. Je te dirais, c'est un début, puis c'est quand même une bonne réaction. Puis venant, nous autres, on est quand même une compagnie indépendante, on n'est pas Universal, évidemment, ou Sony, ou donc, fait qu'il faut travailler doublement fort, mais on est vraiment surpris des résultats, ça va très bien. Ouais, ben quand on fait quelque chose de bon, hein. C'est sûr que ça va marcher un jour. En mieux, merci. On a parlé de télé, mais côté CD, l'enregistrement, ça, est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était le fun? Est-ce que ça a changé du premier album au deuxième album, la façon d'enregistrer? Ben, je te dirais qu'on avait plus d'expérience parce que Madcaps, on est vraiment un band, je te dirais, la compagnie. Parce que j'ai formé ma propre compagnie, on est vraiment do-it-yourself. Mais en même temps, on veut pas faire de quoi de broche à fond, on va faire de quoi parce que nous autres, notre marché, c'est le Québec, mais c'est aussi le Canada anglais, puis c'est peut être aussi éventuellement le reste du monde, tu sais, dans le sens qu'on se ferme pas de porte. Fait que c'est sûr que nous autres, faut qu'on ait un produit qui accote quand même ce qui se fait ailleurs. Donc, on a travaillé quand même assez fort sur cet album-là. Je te dirais qu'on a pris de l'expérience du premier, puis rendu à celui-là, ça a été un petit peu plus facile. Puis en même temps, je te dirais peut-être un petit peu plus le fun. C'était pas le même genre d'album, mais le premier album, on a travaillé vraiment, ça a été un apprentissage, tandis que celui-là, on savait à quoi s'attendre, puis ça s'est fait un petit peu plus rapidement. Est-ce qu'il y avait beaucoup de liberté ou est-ce que vous étiez bien encadré ou? Ben, à ce moment-là, c'est vraiment nous autres, hein, comme je t'ai dit, c'est vraiment nous autres. C'est moi qui ai réalisé l'album en studio. Donc, on est rentré, puis c'était vraiment en bout de ligne comment que le groupe, puis comment moi je voyais ça. Puis on a travaillé avec un ingénieur de son qui est vraiment super, qui s'appelle George Pelikoudis. Donc, avec ses connaissances, puis avec nous autres, la vision qu'on avait de l'album, je pense que ça s'est très bien passé. Peut-être pour un prochain album, justement, vous engagez un réalisateur de l'extérieur, mais c'est toujours une question de, je te dirais, de coût à un moment donné. Puis mais en même temps, cet album-là, on savait où est-ce qu'on s'en allait. Puis comme je te dis, on voulait quelque chose d'un petit peu plus épuré. Tu sais, il y a du monde qui pense que c'est de vouloir être plus commercial, mais pas nécessairement. C'était vraiment, on voulait faire des chansons, on voulait aller comme plus vers l'efficacité, vers plus un, je te dirais, comme je disais tantôt, d'aller un petit peu plus au cœur de la chanson, en place de faire 15 changements, puis que la chanson dure 15 minutes. Quoique sur le premier album, c'était très réussi, puis il y a plein de monde qui m'en parle encore, là. Même si ça fait 2 ans et demi qu'il est sorti, je pense qu'il a été bien apprécié. Mais c'est juste que c'est 2 albums différents, mais en spectacle, c'est pas disparate. Je te dirais que ça s'enchaîne très bien, là. Est-ce qu'on peut encore se procurer le premier album? Bon, absolument. Absolument. Il est peut-être plus difficile à trouver en magasin, mais si vous le demandez, je pense qu'il est en... Là, il est disponible en magasin, puis au pire, les gens peuvent écrire sur le site de Voxtone, puis à ce moment-là, je crois que le distributeur a probablement envoyé quelques-uns en magasin, parce que le dernier album, il se vend quand même assez bien. Donc, à ce moment-là, ça relance souvent l'intérêt pour les albums précédents. Donc, oui, c'est sûr qu'il est disponible, puis les gens peuvent nous écrire, puis nous autres, on peut l'envoyer directement aussi, c'est pas un problème. Et l'album s'appelle Whole World. Whole World, oui, absolument. Le plus récent, c'est High. Oui. Très, très bon album. Donc, encore sur le palmarès de C'est Fou cette semaine. On va voir en quelle position d'ici la fin de l'émission. Mais je te remercie. Et ton prochain, votre prochain spectacle, en fait, c'est au Festival de l'art vocal, l'International de l'art vocal en juillet, c'est ça? À Trois-Rivières, oui. Ben là, on joue à Québec le 13 avril. Mm-hmm. Fait que ceux qui veulent venir, c'est pas trop loin de de Trois-Rivières. Donc, on joue à la Casbah Québec le 13 avril. Puis on joue à Montréal le 21. Merveilleux. Et les informations sont évidemment sur themadcaps.com. Absolument, tout est là. Merveilleux. Merci beaucoup, Fred Pellerin. Merci de nous encourager. The Madcaps, merci et bonne soirée. Et bye. Au revoir. Donc, c'était Fred Pellerin de la formation Madcaps. L'album s'appelle High et la pièce s'appelle Higher. Et c'est sur le palmarès de Sifon encore cette semaine. On va découvrir où. On n'arrête pas de mettre du suspense, on aime ça. On le remercie d'avoir appelé, assez fou, et de nous avoir permis de faire une entrevue avec lui. C'était génial. Très intéressant. Absolument. Groupe ouais. À découvrir et groupe trifluvien en plus. En plus. Maintenant, ça va entendre notre prochaine position, qui est la 8e position remontée de 2 places pour Ermine et la pièce Crystalline de l'album Ermine, donc leur album éponyme. On écoute ça tout de suite et on revient au palmarès C'est Fou sur C'est Fou. 89. Yeah. Ermine, Crystalline sur le palmarès de C'est Fou. C'est présentement en 8e position remontée de 2 places de leur album éponyme. Au retour, on va l'entendre aux 7e position. 2 excellentes positions. On est de plus en plus meilleurs. Écoute, la musique est vraiment excellente. Là. Tu dis, toi, c'est magnifique. J'ai hâte de voir quels sont nos premiers numéros, nos premières positions au numéro 1 de cette semaine. On va voir. Mais avant d'aller en publicité et tout le reste, on va vous dire comment nous contacter quand même. Le numéro de téléphone est le suivant. Il est en haut, il est écrit juste ici sur le côté, elle ne savait pas. 376, ben dans le 819, le 376-5184. 8-3. C'était proche quand même. On a fait une erreur. 8-4, c'est l'administration. 8-3. C'est donc, bientôt d'ailleurs, vous allez être obligé de faire le 819 avant de le composer. Fait que retenez-le au complet, 819-376-5183. Au retour, Alice for Heroes et Antoine Graton. Vous écoutez C'est Fou 89.1. FM, il me semble. Ouais, on parlait de sport. Je pense pas qu'on risque de faire ça ce soir. Vous écoutez les palmarès, c'est fou! Et à venir à 20h ce soir, c'est les palmarès en rappel, édition spéciale palmarès moins 6, où on vous fait le palmarès tel qu'il était cette semaine en 2000. Mais pour l'instant, on s'en va entendre nos 7e positions, c'est-à-dire Antoine Graton avec Le Monde, et ensuite Hell is for Heroes avec la pièce Kamichi. Maintenant, ça va être Antoine Graton, tout droit de son album Il était une fois dans l'Est. Dans 5, 4, 3, 2, 1, maintenant. Nos exceptionnelles 7e position du côté anglophone, on vient d'entendre Hell is for Heroes avec la pièce Kamichi, descente d'une place. Et avant ça, du côté francophone, c'était Antoine Graton avec Le Monde, qui est stable en 7e. Stable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va descendre bientôt, non? Oui, absolument. Ça pourrait remonter, on sait pas. On va voir. Suspense. Suspense. C'est ça. Donc, on s'en va bientôt vers nos 6e position, c'est-à-dire Caïman Fou et Our Mercury. C'est ce qui s'en vient tout de suite. Mais avant ça, je vous rappelle quand même qu'on est sur MSN, on est technologique. L'adresse est palmarèscefou@hotmail.com, palmarèscefou@hotmail.com. Notre forum, dans la section Alternative Punk, visitez le www.cefou.ca et cliquez sur Forum dans le menu. pouvez aussi, une autre option, hein, c'est magnifique comment on a des options pour nous écouter. Non seulement vous pouvez écouter à la radio, vous pouvez écouter aussi sur le câble, 99.7 et 92.9, dépendant si vous êtes sur Cogeco ou sur Vidéotron. Vous pouvez aussi nous télécharger, nous écouter en stream, en direct, via Internet, www.cif.ca, cliquez sur le gros bouton jaune en haut à droite. Oh. C'est le même qu'on l'appelle, c'est quasiment écrit sur le bouton. Hein. Gros bouton jaune en haut à droite. Bouton jaune. Jaune. OK. Mais bon. Avant d'aller à nos sixième positions, pour vrai, c'est l'heure de revenir à Marc Périard. Tout le monde le connaît, tout le monde l'aime. C'est Marc Périard. C'est la toune de. Mais elle est pas très connue. J'aime Marc Périard. On revient avec le Zone Campus. On est rendu, on faisait tantôt notre petit parcours de ce qui se passait dans Zone Campus. On a fait la section actualité. Maintenant, c'est l'heure de faire la section art et spectacle. Qu'est-ce qui se passe de bon dans la section art et spectacle, Marc? Que de choses. Mon Dieu! C'est extraordinaire. Écoute, là, cette semaine, là, la section art et spectacle, c'était la section la plus prolifique. Écoute, c'est le plus de pages. Il y a plus de d'articles. Pages. Il y a plus d'articles, donc. De photos. Et de vraiment de bonnes photos de ces événements-là. On parle de Loco Locas. Qui était au 10-12. Qui était au 10-12. Oui, tout récemment. Donc, un retour sur le spectacle de Loco Locas. Un très bon spectacle. Les gens de Loco Locas qui sont présents ici à Trois-Rivières, qui sont porte-parole pour le Salon du Livre de Trois-Rivières. Et qui étaient d'ailleurs à 8h en spectacle hier soir au Maquisard. Absolument. Que de hasard. Un plaisir de rencontrer ces gens toujours, Mathieu. Biz, Shafik, Batlam et Scooby-Doo. Scooby-Doo? Non. Ah. J'ai pas de... Non. C'est sûr qu'il y avait Scooby-Doo là-dedans. Je l'ai pas croisé. Ah. C'est ça. On revient sur... Je te laisse bouche bée. Oui, absolument. On revient sur le spectacle donc de Loco Locas. C'est quand même une foule maigre d'environ 300 personnes, là, grosso modo, là, selon des estimés non scientifiques. Mais quand même, le band qui s'est donné vraiment là, à pont là, pour ce spectacle-là, moi, j'y ai assisté. Mm-hmm. Et je te dirais que effectivement, ce qui est écrit n'est nul autre que la vérité. Ah! On écrit rarement des mensonges dans Zone Campus, c'est ce qu'on m'a dit. Il se peut se glisser des erreurs, mais des mensonges, on se corrige nous-mêmes, on est mensonge auto, dans ce journal. Non, du tout. Continue donc. Festival L'Esprit du son, mm-hmm. Ça dit quelque chose, ça? Oui, ça dit quelque chose. Ça avait lieu en fin de semaine dernière. À la Chasse-Galerie, les jeudis, vendredis et samedi dernier. Mm-hmm. On parle du spectacle de clôture qui a été fait par M. René Lucier et son quintet. Donc, très, très bon spectacle. Festival Esprit du son, encore une fois cette année, qui tire ses lettres de noblesse parmi la communauté universitaire. Franchement, le festival semble être là pour rester. Oui, ils sont prolifiques, ils font beaucoup de choses. C'est eux aussi qui font la Ligue d'improvisation musicale du Festival Esprit du son. C'est de là que vient le FES de la Lymphe. Et oui, et la finale a eu lieu du... Mais que de lien, c'est exactement le prochain article dans le journal. Exactement. Finale de la Lymphe a eu lieu la semaine dernière, je crois, vendredi dernier, lors du Festival d'Esprit du son et l'équipe victorieuse. Mm-hmm. Les humanoïdes. Les humanoïdes. Oui. D'accord, c'est bon. Oui. T'es au courant, Mathieu, que Télé-Québec vient faire des clips occasionnellement lors de ces matchs-là? Pour Pulsar, l'émission culturelle de Télé-Québec, c'est des capsules qui sont diffusées à travers la programmation, c'est ce qu'on va dire. T'es pas au courant, t'es vraiment très au courant. C'est un gars de télé. Ah, c'est ce que ça donne. Le commentaire de Mathilde fait aussi son retour triomphant. Coup de cœur, ni plus ni moins, là, pour l'artiste Pierre Lapointe, qu'on qualifie ici de Pierre Lapointe, le magnifique. Ni plus ni moins. Pinch, d'ailleurs. Plus ni moins. Je crois que Mathilde a vraiment adoré cet artiste-là dont on invite les gens à découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, Mathilde donne ses impressions là, sur l'artiste en tant que tel. Mm-hmm. Très, très bon commentaire. Au niveau de littérature, on a une petite chronique qui porte sur le livre « Ma vie avec Mozart ». Oh. On retourne au 18e siècle. Mm-hmm. Donc, chronique sur le livre. Les nouveautés CD, évidemment. Comme à l'habitude. Oui, des bons disques quand même, dont Nine Black Elves, qui est sur le palmarès de Sifu en ce moment. Les St. Catherine's... et les Machete Avenue et The New Cities, le groupe trifluvien, je crois, The New Cities, si je me rappelle. C'est bien eux, New Cities? Oui. Oui. T'es trop fort. Et voilà. T'es vraiment trop fort. Merci beaucoup. Donc, Mathieu Beauséjour qui signe cette chronique-là comme à son habitude. Mathieu qui est étudiant en enseignement secondaire. Et qui est chroniqueur à l'émission Dans le trafic le mercredi soir de 16h à 18h. Absolument. Et voilà. On y va avec du théâtre? Ben oui, du théâtre. Pourquoi pas? Donc, Je te réponds, non? Non. Pourquoi pas? OK. Ben. Pourquoi pas? Vas-y. Et voilà. Donc, deux pièces de théâtre qui ont été vues ici, Une année sans été, ainsi que Le mystère d'Irma Vep. Irma Vep. Irma, oui, et non, Irma. Hmm. Donc, une pièce qui a grandement déçu, semblerait-il. Oh, OK. Oui. Il n'y a pas que du positif dans un corpus. Quand quelque chose ne plaît pas, on dit, c'est ça? Oui, on dit. On se positionne. On est honnête. Surtout en art, on tend à se positionner. C'est vrai. Oui. Et l'autre pièce, Le mystère d'Irma Vep, semblerait-il que vraiment c'est une bonne pièce, très dynamique. Et une exposition à la galerie R3, Art et Raison. Écoute, la galerie R3 qui n'a pas dérougi cette année, il y a eu des expositions là continuellement. Donc, encore une nouvelle, Art et Raison. Une exposition à découvrir. Magnifique, avec des t-shirts. Qui regroupe, soit dit en passant, deux artistes de l'UQTR. D'accord. Et les sports passent un petit peu plus rapidement. Ensuite, à part le sudoku et les mots croisés, évidemment, qui reviennent toujours à chaque semaine parce que les gens les aiment. Les très populaires. Et voilà. La très populaire page des jeux. Mm-hmm. On s'en va en sport? Oui, vas-y avec les sports. Écoute, on fait un retour. Marc Chevrette a fait un retour sur la saison des Patriotes hockey. On sait que les Patriotes n'ont pas pu se rendre en finale de la Ligue. Donc, les Patriotes ont terminé deuxième de leur division et troisième au classement général de la Ligue de hockey universitaire. Donc, Marc fait un retour là-dessus. Et évidemment. Autre dossier en sport, dossier plus ou moins, pas un dossier, un événement, couverture d'événement. Un article. Un reportage. Sur le... Bref, sur des gens qui font de la trampoline. Voilà. Le club intercité. Ouais, club intercité de trampoline, Trombellino, il y a une espèce de long nom de cette affaire-là, mais club de trampoline, si on veut. Oui. Assez spectaculaire. Et aussi, en d'autres journal, une belle pub sur le campus. C'est le fun. Monsieur le recteur, toujours. On fait aussi... le tour du journal de la page 1 à la page 20. Évidemment. Toujours aussi séduisant, cet homme. C'est vrai. Écoute, il est fin. La classe. Donc, merci Marc pour ce tour du Zone Campus, qui est le journal des étudiants de l'UQTR. Ça m'a fait plaisir. Bimensuel. Et oui, c'est le journal bimensuel, gratuit. Gratos. Gratuit. Il ne coûte rien du tout. Est-ce qu'on lance un appel à la population étudiante? Population? Oui. Population. Qu'est-ce que tu voulais te demander à la population? Les postes sont ouverts aux Zones c'est Campus, vrai. Mathieu. C'est important d'en parler, d'ailleurs. Tous les postes sont ouverts. Tous. Et c'est pas parce qu'on manque nécessairement de monde, mais c'est vraiment parce que les postes sont tous ouverts et on veut trouver des gens qui font bien ce qu'ils font. On veut avoir ni plus ni moins la crème de la crème et on veut que les gens vraiment là, qui veulent s'impliquer dans un journal, qui veulent écrire, déposent leur curriculum vitae au bureau de la direction. Si vous voulez faire ça, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on cherche des photographes, des correcteurs, rédacteurs en chef, chefs de pupitre de chacune des trois sections actualité, sport et arts et spectacle. Et est-ce qu'il manque quelque chose? Infographe. Infographe. Et voilà, infographe. Oui. Donc, allez voir la publicité qui est vers la fin du journal et zonecampus.ca pour les informations, évidemment. Donc, merci encore, Marc, pour vrai, cette fois-ci. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ça m'a fait plaisir, moi aussi. On s'en va écouter Caïman Fou, qui est notre sixième position en descente de trois places quand même, donc avec la pièce Boohoo Time. Et juste après, ce sera Our Mercury avec Shauna Don't Wanna, remontée de 9 places de l'album From Below. J'aurais pu dire de la 15e à la 6e. Et vous laissez calculer par vous-même. Caïman Fou, Boohoo Time. C'est les palmarès, c'est fou. 89 points. Très bon calcul. Our Mercury, Shauna Don't Wanna, remontée de la 15e à la 6e de l'album From Below au palmarès. C'est fou, c'est fou. Hein, t'sais. Juste avant ça, c'était évidemment Caïman Fou. Vous les aimez aussi. Boo Time, descente de 3 places de l'album Les Charmes du quotidien. Maintenant, à ce point-ci d'émission, on a 3 choses à se faire dans ce bloc-ci. On va commencer par une blague que quelqu'un nous a téléphoné. Je ne me rappelle pas son nom. Pierre, je crois. Donc, la blague, c'est quoi la boisson préférée de Caïman Fou? Oh, intrigue. Intrigue, c'est... Alligator. Gator, comme dans Gatorade, mais Gator parce que Caïman, c'est le cousin d'un crocodile. Ils sont comme dans la même famille que les alligators. Donc, Caïman, Alligator. C'est une blague qu'il faut expliquer. Donc, en tout cas. Mais Caïman Fou, Alligator, Gatorade. Ensuite, deuxième affaire, c'est meilleur cette fois-ci. Deuxième affaire, c'est qu'il y a un show d'improvisation. J'adore l'improvisation, c'est super bon. Donc, ça va être ce soir au Just Bar, devant le Canadian Tire au Cap de la Madeleine. Ça se passe à 20h, ça coûte 5$ et tous les profits vont directement à la Fondation canadienne contre le cancer. Tous les profits, tout l'argent que vous donnez va aller directement pour le cancer. Excellent. Mais contre le cancer. Excellent. Vraiment, là, ça, c'est une belle initiative. On invite les gens vraiment là, à se présenter là, ce soir. Et de l'improvisation, ça fonctionne très, très bien. C'est vraiment bon. Il faut encourager ça. En plus que c'est pour la Fondation contre le cancer. C'est une pierre deux coups. Une pierre trois, quatre, même cinq coups, je dirais. Puis, d'ailleurs, vous pouvez prendre des coups. Hein, si... Ah? Vous pouvez boire, là. Just Bar, devant le Canadian Tire au Cap de la Madeleine. Ce soir, 20h, prix 5$. Et voilà. Et maintenant, on va faire le top 5 des albums les plus vendus au Canada. Roulement de tambour. Le Canada, très belle place pour la semaine qui se termine le 31 mars 2006. On commence évidemment par la cinquième position. C'est une nouvelle entrée. Ben Harper. Est-ce que ça dit quelque chose, Ben Harper? Il est sur notre palmarès. C'est pas le cousin de l'autre? Steven? Steven, oui. Éloigné, peut-être. Ah, peut-être. Ben Harper qui est sur notre palmarès. C'est présent sur notre palmarès. Il est sur notre palmarès, car... Avec dedans. La pièce dedans, avec la pièce Morning Yearning de l'album Both Sides of the Gun. Et c'est justement cet album-là qui est en cinquième position. En quatrième position, on retrouve David Gilmour avec On an Island. Ça fait trois semaines que celui-là, c'était en deuxième place la semaine dernière. En troisième, c'est Jack Johnson and Friends avec la trame sonore de Curious George. Toujours en troisième position, c'est stable et ça fait sept semaines que c'est là. En deuxième, descente d'une place pour notre album qui était vraiment en première position depuis très très longtemps, James Blunt avec Back to Bedlam pour la 33e semaine sur le palmarès des Nielsen Soundscan pour la semaine se terminant le 31 mars. Donc, et en première position, tu vas trouver ça bizarre parce que c'est des albums vendus au Canada, mais c'est un album francophone qui est en première place. Non. Et justement, c'est un artiste qu'on s'en va entendre dans même pas quelques minutes, Pierre Lapointe avec Forêt des Mal-Aimés. Qui est une nouvelle entrée, elle aussi. Donc, directement en première place, d'un coup sec, Pierre Lapointe, magnifique. Autre nouvelle entrée, cette semaine, on retrouve Prince avec 3121 en 9e position. En 15e position, on retrouve My Chemical Romance avec Life on the Murder Scene. En 30e position, c'est Teddy Geiger. Celui-là, je sais même pas comment le prononcer. Geiger! Avec Underage Thinking. En 38e place, From First to Last avec Heroin, justement, qu'on a fait jouer pas en primeur, mais quand même en premier au moins à Trois-Rivières, à la Chance au Coureur, l'émission des découvertes musicales. Ça, c'est le vendredi matin, on l'a fait jouer ce matin. Heroin. Oh. Et dernière, je crois, non, il en reste deux nouvelles entrées. En 69e position, Anti-Flag avec For Blood and Empire. Et en 85e place, encore une autre position francophone, Mononcle Serge avec le Serge Blanc d'Amérique, 85e place. Et pour vrai, la dernière nouvelle entrée, en 95e, Placebo, qui est d'ailleurs sur notre palmarès en 11e position cette semaine pour la deuxième semaine consécutive. Il a remonté de la 15e à la 11e, mais Placebo avec l'album Meds. On nous copie pratiquement. Là. Ben, je te dis, on est comme à l'avant-garde de tout ce qui se fait côté musical. Ah. Pas prétentieux parce du tout. Parce que nous sommes à l'affût. Et voilà. Oh. Pierre Lapointe, donc, en première position. Mais nous, ici, rendus à ce stade, on est rendus à nos cinquièmes positions. C'est-à-dire qu'on va commencer par la formation Surcharge, avec la pièce L'Assaut. Et ensuite, on ira avec Korn et Coming Undone. Et ça se passe évidemment dans le seul endroit où que vous devez syntoniser les vendredis soirs entre 17h et 21h. Et ensuite, laissez-la parce qu'il y a plein d'autres émissions qui s'en viennent. Le C'est Fou 89. Point d'autres stations que C'est Fou. Aucune autre. Le reste, c'est quoi? La crap. Non. OK, c'est pas vrai. En passant, on ne dit pas ça ici. Ce n'est pas français. C'est banni. Banni. Remontée de deux places pour Korn avec Coming Undone de la 7e à la 5e cette semaine du côté anglophone. Et juste avant, c'était dans le même style, vraiment Surcharge avec L'Assaut, descente de trois places de l'album Au bar chez Satan. On est rendu à nos 4e position, mais avant, voyons un petit peu ce qui s'en vient plus tard ce soir sur les ondes de C'est Fou dès 20h. Toujours avec moi et Marc, ça va être les Palmarès en rappel, édition spéciale moins 6. Oui, moins 6. Année 2000. Étant donné, c'est ça, qu'on fait exactement le palmarès tel qu'il était il y a 6 ans, moins les disques qu'on a pu. Aussi, à venir à 21h, c'est le Mephisto Show avec Mephisto et Damon. Évidemment, c'est l'émission de rock métallisé. Ça commence à 21h. Ensuite, à 23h, c'est votre séance, en français, votre séance d'électrochoc avec DJ Red Sun. Et à 1h du matin. Voilà. À 1h du matin, c'est la nouvelle émission L'intoxication électronique qui continue deuxième semaine pour l'animateur avec un nom. Je suis sûr finalement. Alors, quatrième position, voici les trompe-l'œil avec Bouddha Cinérol. Au palmarès, c'est fou. C'est 89 ans. Ah, c'est ça. On a des noms, nous aussi. Marc Perrier, Mathieu Plante, jusqu'à 21h. Hello. If you talk too much, my head will explode, Marc. Hey. Si tu parles trop, là, gars. Gars. Gars, ce qui va t'arriver. Je t'avertis. Tu pourras pas dire que je t'ai pas averti. Donc, on vient d'entendre. On vient d'entendre People in Planes avec If You Talk Too Much, My Head Will Explode. Stable en quatrième position du palmarès anglophone. Et du côté francophone, juste avant, c'était les Trompe-l'œil avec la pièce Bouddha Cinérôle, qui était malheureusement, pour eux cette semaine, c'était notre première position de la semaine passée. Ce qui veut dire qu'on a une nouvelle première position. Ooh. Et ceux qui ont écouté depuis le début et qui n'ont pas entendu certaines pièces, ça vous donne peut-être l'indice que c'est celle, cette pièce-là, la première position cette semaine. Si on y va par déduction, effectivement. C'est à vous que je suis quand même perspicace. Oui. Donc, on s'en va entendre nos troisième places du palmarès cette semaine. Du côté francophone, c'est Malajube avec La Monogamie, remontée de trois places de l'album Trompe-l'œil. Hein? Très bon un album. Petit excellent album. Sérieusement, j'écoute pas mal juste ça depuis quelque temps encore, là. Moi, je suis comme ça. C'est quand j'aime un artiste, quand j'aime un groupe et un CD, je l'écoute très très longtemps jusqu'à temps que je me tente puis que j'en trouve un autre. Puis là, je recommence avec celle-là très très longtemps. Puis tu fais attention à ta dépendance, là. Exactement. C'est ça. J'essaie de me contrôler. T'es en contrôle. C'est ça. C'est bien rare que je mets mon lecteur MP3 sur shuffle puis que j'écoute des pièces variées. J'aime ça me concentrer sur un seul artiste. Tranche de vie, présenté par Gadois. Et du côté anglophone, c'est Lenz Arledge avec Hang On, remonté de deux places de l'album The Hope Museum. Groupe très, très excellent, sérieusement. Lenz Arledge, groupe qui affectionne particulièrement Trois-Rivières depuis quelques temps, c'est vrai. Écoute, quand c'est très excellent, c'est mieux qu'excellent. Tiens, ça pourrait être très, très, très excellent, ce sera encore mieux. Donc, c'est le cas, d'ailleurs, tiens. Hein? Que dire? On donne tous les qualificatifs possibles à Lenz Arledge avec la pièce Hang On, mais pour l'instant, voici Malajube avec La Monogamie sur les palmarès, c'est fou. 89.1. Ah, là, on relaxe. Bien. On se met dans le moule. Accès. Dans le spa. Lenz Arledge, Hang On, remonté de deux places de l'album The Hope Museum sur le palmarès de C'est Fou. Et juste avant, c'était Malajube avec la pièce La Monogamie de l'album Trompe-l'œil, remonté de trois places pour la troisième semaine sur le palmarès. Et ça ne fait que monter. Pourquoi? Parce que c'est bon. Hein? Et que la trame de fond est en feu. Elle est en fire. Trame de feu? Trame de feu, dans le fond, parce qu'il est tellement bon. Ah. En deuxième position, on va aller entendre Pierre Lapointe avec Dans la forêt des mal-aimés. Mais, maintenant que j'y repense, on n'est pas supposé dire les deuxièmes positions et ni les premières pour vous laisser le suspense et ensuite les récapituler après leur diffusion en onde. The Suspense. The Suspense. Vous écoutez les Palmarès C'est Fou et je vous rappelle qu'on est sur MSN et sur le forum. Sur MSN, c'est palmarèscestfou@hotmail.com. palmarèscestfou@hotmail.com. Ajoutez-nous si vous voulez. Vous pouvez nous envoyer des courriels. Sur le forum au www.cestfou.ca. Cliquez sur forum. On est dans la section Alternative Punk sous les Palmarès C'est Fou. Et notre numéro de téléphone est le 819-376-518. Wow. Wow. Évidemment. Donc, www.cif.ca, c'est la façon de voir tout ça si vous n'avez pas retenu ce que j'ai dit. Donc, on écoute tout de suite l'artiste qui ne sera pas nommé pour qu'on puisse le nommer plus tard. Tout de suite au palmarès, c'est fou. Oh, 89.1 FM. En plein ça. En plein ça. C'est un beau nom pour une station, quand même. En plein ça. En plein ça. En plein ça. En plein ça. OK. Je baisse le micro. Allons en musique. On laisse la musique. Il y a, ouais. Il y a des bruits ambiants, c'est... On va se faire attaquer par un cheval, je pense. Les deuxièmes positions du palmarès francophone et anglophone de C'est Fou. On écoute tout de suite les premières positions et ensuite on revient avec notre spécial palmarès moins 6. Tout ça entrecoupé de... entrecoupé de chroniques telles que le cinéma que je suis en train de préparer. Donc palmarès moins 6 dans quelques minutes, mais pour l'instant, première position qu'on ne nomme qu'après. Vous écoutez les palmarès C'est Fou. Oh, 89.1. FM. C'est même compte ça, 89 FM. FM. C'est le numéro de la station. Parfois j'ai raison. Parfois j'ai tort. Parfois je suis le beau. C'est parfois j'ai raison, parfois j'ai tort. Dans ce cas-ci, j'ai tort avec le numéro de la pièce. On écoute Guerre Academy. Chut! On le dit pas. Non, non. Mais on l'aime, cette pièce-là. On l'aime parce qu'elle est belle et fine et intelligente. La chair canon se recrute sous tous les ciels où il fait peur. Partout, autour. Les premières et deuxièmes positions du palmarès francophone et anglophone de C'est Fou cette semaine. On vient tout juste d'entendre la formation Madcaps avec la pièce Higher, notre numéro 1 de la semaine passée, qui est encore en première place. Et d'ailleurs, on a reçu Frédéric Pellerin, qui est chanteur et guitariste de la formation plus tôt dans l'émission. Madcaps, excellente. Excellente formation, Mathieu. Absolument. Et juste avant ça, toujours aussi excellent du côté francophone, c'était la première position, Guerre Académie de Paul Amarani et les Nouveaux Mariés de l'album Portrait Vivant. C'était notre quatrième la semaine passée. Avant ça, en deuxième position anglophone, c'était NoFX avec The Marxist Brothers, remonté de 10 places, de la 12e à la 2e. Tout un bon, là. Faut le faire. Ouais, ouais. Et du côté francophone, la deuxième position, c'était Pierre Lapointe avec Dans la forêt des mal-aimés, de l'album La forêt des mal-aimés, remonté de 3 places, de la 5e à la 2e. Excellent, ça aussi. Très bon palmarès aujourd'hui. Excellent, je te dirais même. Ça a fait le tour de nos 15 positions francophones et anglophones les plus demandées, jouées et écoutées de la semaine ici sur C'est fou. Donc, vous êtes avec Mathieu Plante, moi-même à l'animation. Évidemment, aujourd'hui, collaborateur spécial Marc Périard, le rédacteur en chef du Zone Campus. Oh, les titres, là, c'est correct. Si je vais un petit peu fort, j'en barre épais. C'est... Du Zone Campus. Hein. C'est cool. Hein? Donc, au retour, on commence les palmarès en rappel présente, les palmarès moins 6, où on vous fait le meilleur de ce que le palmarès était il y a 6 ans, c'est-à-dire dans la semaine du 31 mars au 6 avril 2000. Mais maintenant, on s'en va en publicité. Restez là, on revient avec le cinéma, entre autres. On revient avec Balayer le plancher, où on parle de gens stupides qui font des choses stupides, des discussions quelconques. Foule de choses intéressantes, Mathieu. Foule. Laisez. Une foule. Une foule? Absolument. On parle mieux que ça d'habitude. Une foule. Ouais. En tout cas. On va en pub. On revient tout de suite. Vous écoutez les palmarès C'est fou sur C'est fou 89. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est parti pour la dire de FM. Tout un lien. FM. En direct de C'est fou 89.1 à Trois-Rivières, voici les palmarès en rappel présente les palmarès moins 6. Mais bonsoir et bienvenue au palmarès en rappel présente les palmarès moins 6, toujours avec Marc Périard du Zone Campus. Toujours en merveilleuse compagnie de Mathieu Plante. Merci beaucoup, Marc. On est ici avec vous jusqu'à 21h pour faire le tour du meilleur que ce que les palmarès avaient à vous offrir il y a 6 ans, c'est-à-dire dans la semaine du 31 mars au 6 avril 2000. Ce que j'ai décidé de faire, le concept de ce soir, c'est de prendre seulement le côté anglophone de la chose. Pourquoi? Parce que le côté francophone, la plupart des CD ont comme disparu, c'est tout. Mais du côté anglophone, on a la plupart des positions. On va essayer de faire ça, de rafistoler ça pour vous donner quelque chose de très bon à entendre. On commence tout de suite avec un bloc de 3 pièces. Voici Korn avec Trash, ensuite Therapy avec Is Not That Kind of Girl et Growl avec Man of Sorrow. On commence tout de suite par Korn. Vous écoutez les palmarès en rappel présente, les palmarès moins 6. On va essayer de raccourcir le nom pour la prochaine intervention. Korn. Growl avec Man of Sorrow en 13e position, remontée d'une place par rapport à la semaine dernière, si on était en 2000. Parce que vous écoutez une édition spéciale des palmarès en rappel, les palmarès moins 6, où on vous fait passer le meilleur de ce qui était dans le palmarès anglophone il y a 6 ans, exactement cette semaine, du 31 mars au 6 avril 2000. Le meilleur et non le pire. Jamais le pire. Juste avant Growl, c'était Therapy, avec He's Not That Kind of Girl, en 14e place, remontée d'une place. Et avant ça, c'était Korn avec Trash, qui était en 8e position la semaine d'avant et qui était en 15e position du palmarès de l'an 2000. Ta-ta-ta. Parlant de ta-ta-ta et de suspense, c'est l'heure de parler cinéma. Cinoche. Cette semaine, beaucoup de nouveautés au cinéma, mais pas beaucoup de choses qui vont se rendre à Trois-Rivières, comme toujours. On est un petit peu délaissé parce qu'on n'est pas une grande métropole. On a quand même une idée assez importante. Quand même possible. Une des grosses sorties cette semaine, en premier, on va vous dire les films au complet qui sortent cette semaine, des films qui vont pas nécessairement être ici. Donc, ATL, une comédie dramatique, Basic Instinct 2, un film de suspense, Burt Monroe, L'homme le plus vite au monde, un drame biographique, L'air de glace, La fonte, un film d'animation, Holy Lola, un drame, Incision, version originale anglaise, Slither, Épouvante, un film d'épouvante, La rage de l'ange, le film de Dan Bigra, un drame, Sisters-in-Law, un documentaire, et Voici l'homme, réalisé par Catherine Hébert. On commence par on va y aller avec les films plus légers. Commençons par L'air de glace, La fonte, version en français, The Ice Age, The Meltdown, un film d'animation originaire des États-Unis, durée 1h30. C'est réalisé par Carlos Saldana, avec les voix de John Leguizamo, Ray Romano, Dennis Leary, Queen Latifah et Gia DeMatteo. Et voilà. Donc, résumé, nous sommes à l'ère préhistorique. Le réchauffement climatique annonce la fin de la dernière glaciation. Comprenant que la fonte des glaciers causera une immense inondation, les animaux entreprennent un long périple vers une vallée lointaine où un grand bateau pourra les recueillir. Flanqué de ses amis, le paresseux Sid et le tigre Diego, le mammouth Manny, se met en route, inquiet à l'idée d'être le dernier survivant de sa race. Par chance, il croise Ellie, une mammouth qui veille sur deux opossums facétieux. Or, la grosse bête abandonnée à la naissance est convaincue d'être elle aussi un opossum. Pendant ce temps, Scrat, un rat écureuil, s'est lancé à la poursuite d'un délicieux gland, lequel ne cesse de lui échapper. Scrat, c'est vraiment le personnage. C'est lui qui vole le show dans le film. Hein? Ouais, partout où dans, dans le premier. Oui. On fait quand même dans le concept du réchauffement, Mathieu. Hein? Dans le sens, c'est une suite comme tous les autres films depuis 10 ans. Genre, Le réchauffement, non. Pas dans ce sens-là, mais pas du tout. Ah, okay, mais le réchauffement aussi de la planète. Ah, ben oui. Fin de l'ère de glaciation ou peut-être actuelle période. Fin des changements climatiques. Absolument. Donc, le troisième ère de glace pourra pas se passer dans l'ère de glace, dans le fond. Parce que c'est... Non. Hein, fallait y penser. Non. Peut-être que ça va être l'ère de... C'est quoi l'après l'ère de glace? J'ai aucune idée. Super. Ensuite, il y a Incision, qui est la version française de Slither, un film d'épouvante des États-Unis coté 13 ans et plus, dure 1h36. C'est réalisé par James Gunn avec Nathan Fillion, qu'on a vu dans la série Firefly. Avec aussi Elizabeth Banks, Michael Rooker, Greg Henry et plusieurs autres. Après que Starla, sa charmante épouse, eut repoussé ses avances, Grant, un homme d'affaires prospère de la petite bourgade de Wilsey, se rend dans un bar où Brenda, la sœur d'une ancienne flamme, lui fait des avances. Est-ce qu'on suit jusque-là? Dans la forêt où ils sont allés donner leur libre cours à leurs instincts, ils découvrent une substance gélatineuse échappée d'un météorite. Aussitôt, une énorme sangsue s'introduit dans le cerveau de Grant. Transformé en créature hideuse, il kidnappe Brenda, laquelle se métamorphose à son tour. Alors que le village est infesté de sangsues géantes, Starla et le séduisant chef de police Bill tentent de mettre la main au collet de Grant. Ça pourrait pas être autre chose qu'américain, ça. Non, et tout ça lorsqu'on laisse libre cours à nos instincts. Hein. On voit comment ça peut dégénérer des fois. Et voilà. Oh. Oh. Tu parles d'Omi? Tu parles d'Omi? Non. Non. Non. La rage de l'ange. Un film de Dan Bigra, côté 13 ans et plus, un drame origine du Québec, évidemment 1h47. La version originale française sous-titrée en anglais s'appelle « The Rage de l'Ange ». La rage de l'ange. Avec Alexandre Castonguay, Isabelle Guérard, Patrick Martin, Loulou Hughes, Pierre Lebeau, Dan Bigra, Marine Orsini et plusieurs autres. Bien qu'issus d'un quartier prospère, Francis, Lune et Eric ont connu une enfance difficile, marquée par la violence de leur père ou de leurs camarades. Lorsqu'ils se retrouvent quelques années après s'être perdus de vue, ils sont tous trois membres de bandes criminelles. Amoureux de Lune, qui se prostitue afin de pouvoir se procurer de la drogue, Francis cherche à la guérir de sa dépendance, dont souffre également Eric, qui cache ses véritables sentiments à l'égard de son ami. Avec l'aide de Sandra, une prostituée plus âgée devenue la protectrice de Lune, Francis arrache cette dernière à l'entreprise de gros sales et de sa bande. Son geste attise alors les rivalités qui existaient déjà entre son clan et celui de Lune. Ouais. Et Pierre Lebeau qu'on voit, Mathieu, vraiment là partout au cinéma québécois. J'ai vu dans Les Dangereux. Vraiment sur une très bonne lancée, ce cher monsieur. Bon acteur. Très bon acteur. Vraiment très bon et il a réussi à ne pas. C'est lui qui faisait. Séraphin. Et il a réussi à ne pas se faire mettre un carcan autour de ce personnage-là parce que souvent quand tu prends un rôle comme celui-là, tu viens coller à ça puis le monde s'identifie seulement par ce personnage-là. Oui, c'est une interrogation que les comédiens se posent avant d'accepter un rôle. Ils vont être stigmatisés. Mm-hmm. Ce sera pas le cas avec Les Dangereux. Non. Mais dans le cas de Séraphin, ça aurait pu l'être. Et dans la rage de l'ange, le film de Dan Bigra, on va bien voir ce que ça va donner. Film qui a l'air d'avoir des critiques pas si pires. Sinoche.com dit « Les anges déçus ». Comme dans « Les anges déçus », c'est un jeu de mots. Dan Bigra, surtout connu pour ses chansons, présente un premier film qui a tout d'un premier film, c'est-à-dire l'envie d'explorer, tout dire et cette manie de tout faire tout seul. Parce que Dan Bigra signe le scénario, la musique, la réalisation et tient la vedette dans son film. Ce sont pourtant les réalisateurs plus expérimentés qui devraient tenter de tout faire parce qu'à se concentrer à plusieurs choses, elles s'en ressentent toutes. Il aurait probablement dû se concentrer sur un aspect ou deux plutôt que d'essayer de tout faire. C'est ce que la critique dit. Oh, on est critique quand même à l'endroit de Dan Bigra, ouais. Extrêmement, mais en même temps, c'est pas son premier film. Il a fait des documentaires, donc il a de l'expérience. Il peut supporter, j'imagine, la critique. En tout cas, je l'espère pour lui. Et difficile à vivre parfois, la critique. Hein? Pas mal. On n'a pas cette critique-là, nous autres, au palmarès. Tout le monde nous aime. Non, écoute. Tellement populaire. Burt Monroe, on va passer un petit peu plus vite sur des films qui seront sûrement pas à l'affiche à grand place. Burt Monroe, l'homme le plus vite au monde, version française de The World's Fastest Indian. Donc là, le titre en anglais, c'est l'Indien le plus rapide au monde. Tandis que, en tout cas, l'autre dit que c'est l'homme le plus. C'est, en français, c'est l'homme le plus. L'autre, c'est l'Indien le plus. Petite différence. Hein. En tout cas. Donc, c'est un film, c'est un drame biographique qui vient des États-Unis en coproduction avec la Nouvelle-Zélande. Un film qui dure 2h07, réalisé par Roger Donaldson, avec Anthony Hopkins, Bruce Greenwood et Anthony Starr, entre autres. En Nouvelle-Zélande, en 1967, Burt Monroe, un mécanicien septuagénaire, rêve de briser le record de vitesse avec sa vieille Indian. Ah, d'accord. Hein, un modèle de motocyclette datant des années 20. C'est pour ça que c'est la Indian la plus rapide du monde. Et voilà. Tandis que le titre français dit que c'est l'homme le plus rapide du monde. Tu comprends? Uh-huh. C'est ça le en tout cas. Ensuite, on a Holy Lola, en version originale en français, un drame qui vient de France, réalisé par Bertrand Tavernier, avec Jacques Gamblin, Isabelle Carré et Bruno Puzulou, entre autres. Un couple de Français débarque à Phnom Penh, au Cambodge. Ouais. Dans l'espoir d'y adopter un enfant, Géraldine et Pierre, rompus aux procédures de l'administration française, savent qu'ils devront se buter à celle encore plus éprouvante qui prévalent dans ce pays hanté par la guerre et déchiré par la misère. On fait dans le drame psychologique ici, là. Beaucoup, beaucoup. Mm-hmm. Sisters-in-Law est en version originale en anglais, un documentaire qui est coproduit par le Cameroun et la Grande-Bretagne, réalisé par Florence Aïssi et Kim Longinotto. Et il y a pas la distribution. À Kumba, une petite ville du sud-ouest du Cameroun, Béatrice Ntouba, présidente de la Cour de justice, et Vera Ngassa, conseillère d'État, s'efforcent d'expliquer aux femmes leurs droits juridiques. Mm-hmm. Toujours intéressant, le documentaire. Oui, c'est bien. Ouais. Le film Voici l'homme, en version originale en français avec sous-titres en anglais, c'est originaire du Québec. Un prêtre sans paroisse réunit chaque année des comédiens amateurs issus de tous les horizons, soit croyants, athées, ex-junkies, mères de famille, jeunes et retraités, pour monter une pièce sur la vie du Christ. Donc c'est un film qui ici n'a pas de classe dans le sens, je sais pas si c'est un drame ou quelque chose du genre, mais bon, ça a l'air... C'est à découvrir. C'est ça. Le film ATL, en version originale en anglais, c'est une comédie dramatique qui vient des États-Unis, réalisée par Chris Robinson, avec Khadija, Malika, Big Boy, Albert Daniels, Keith David, Tip T.I. Harris. Ça ressemble à du hip-hop, ça. À la mort de leurs parents, les petits Afro-Américains, Rashad et Ant, sont recueillis par leur oncle à Atlanta. Or, devant la négligence de ce dernier, les garçons doivent apprendre à se débrouiller seuls. Les années passent, et maintenant âgé de 17 ans, Rashad travaille dur tous les soirs après ses cours afin de payer les études d'Ant, de 3 ans, son cadet, mais celui-ci n'a aucune idée en tête, posséder toute la panoplie des vêtements à la mode, ainsi qu'une belle voiture. Ses rêves de richesse instantanée l'amènent à devenir dealer pour une gang de rue. Par ailleurs, chaque dimanche soir, Rashad retrouve 3 copains dans un centre d'amusement pourvu d'une piste de patins à roulettes où il s'entraîne pour participer à une importante compétition annuelle. Donc, comédie dramatique. Pas si mauvais. Tranche, oui. Et le gros canon de la semaine, c'est évidemment Basic Instinct 2, version française de Basic Instinct 2. C'est un suspense 16 ans et plus avec violence et érotisme, coproduit par l'Allemagne, l'Espagne et la Grande-Bretagne. Eh ben, j'étais vraiment pas au courant. C'est réalisé par Michael Caton Jones avec Sharon Stone, Charlotte Rampling, Hugh Dancy, David Morrissey, Stan Collymore et David Thewlis. Donc à Londres, la romancière américaine Catherine Tremell est soupçonnée de négligence criminelle à la suite de la mort suspecte d'un sportif de renom dont elle était la maîtresse. Désireux d'en savoir davantage sur cette femme mystérieuse et manipulatrice, le commissaire chargé de l'enquête fait appel au psychiatre Michael Glass. Au terme de l'évaluation psychologique de la prévenue, celle-ci recommande qu'elle demeure incarcérée. Or, Catherine, qui a réussi à faire invalider le jugement du tribunal, recouvre sa liberté et entreprend une thérapie avec le psychiatre, un jeu de séduction enivrant que Glass croit contrôler. S'installe bientôt entre eux et amène le spécialiste à prendre des risques de plus en plus grands. Avec la très séduisante Sharon Stone qui en venait dans les Instincts. Tu peux pas manquer ça, tu sais. Non. Avec Sharon Stone. Non, quand même. Tu peux faire ce que tu veux. Donc, c'est, ça dit ici sur la critique de Cinoche.com, ça dit copier-coller. Ah. Ça dit Hollywood nous aura fait patienter près de 14 ans pour nous offrir la suite des affres de la sensuelle auteure Catherine Tremell, une très longue période pour un film aussi mièvre. Ils écrivent bien chez Cinoche.com. Oui, hein, mais qu'ont-ils fait pendant toutes ces années? L'attente n'en valait définitivement pas la peine. On parle ici de Basic Instinct 2. Je vais vous donner quelques notes pour les plus gros films. Entre autres, Ice Age The Meltdown, la note selon 27 critiques reconnues partout dans le monde, dont Entertainment Weekly, USA Today et Chicago Tribune, la note est de 59, donc une moyenne. Ça dit moyen. Tu sais, moyen. Et selon 7 votes du public, la cote serait de 98 sur 100. côté Basic Instinct 2. Les notes, selon 30 critiques, dont encore une fois Entertainment Weekly, New York Daily News et Variety, la note serait généralement négative avec 26 sur 100. Et on est à 60 tout à l'heure. C'était vraiment mauvais. C'était vraiment mauvais. 26 sur 100. Et du côté du public, ce qui est jamais vraiment fiable, surtout avec 12 votes, la note serait de 86 sur 100. Ah. Donc, voilà pour ça. Le reste, je vous rappelle que le film Stay Alive, le film de jeux vidéo, est encore en cinéma, toujours avec une note de 24 sur 100. Mais ça m'intéresse. C'est un film, c'est jeux vidéo, c'est le fun. Ouais. En tout cas, on a parlé la semaine dernière de toute façon. Qu'est-ce qu'on n'a pas de lien avec une certaine émission? Hein? Aucune. Surtout pas la connexion, l'émission d'informatique et de jeux vidéo, les jeudis à 11h et les mardis à 10h. Merci de m'avoir demandé. Surtout pas à ça que je pensais. C'est le fun de m'avoir plugué comme ça. C'est rare qu'on plugue mes émissions dans les palmarès. Ah. Aussi, cette semaine, si on va faire le top 5 des films les plus vus au box-office québécois entre pour la fin de semaine du vendredi 24 mars au dimanche 26 mars. En cinquième position, le film 8 en dessous. En quatrième, Quel vite chien. En troisième, L'homme, c'est elle. En deuxième, V pour Vendetta. Et en première place, le film le plus vu était L'informateur. Cool. Est-ce que tu connais L'informateur? Non, pas du tout. C'était le film Inside Man, réalisé par Spike Lee avec Denzel Washington et Clive Owen. Le seul informateur que j'ai déjà connu, là, c'est Pierre Pascoe à CKC. Ah, il s'appelait L'informateur. L'informateur, oui. C'est un bon nom, j'aime ça. Ouais, l'émission c'était so-so. Ok, ouais. Ça a pas duré longtemps. Pas tellement. Les anniversaires du jour maintenant, c'est la fête de Ewan McGregor, qui a 35 ans aujourd'hui, et Christopher Walken a 63 ans. Aussi Richard Chamberlain a 72 ans, mais peut-être qu'il est moins connu. Donc c'est ça. C'est pour le cinéma, ça fait le tour, je crois. On va... Pardon? Tout un tour. Tout un tour. Oui. On va accélérer un petit peu le pas en allant écouter les trois prochaines pièces, c'est-à-dire les positions 12, 11 et 10. On en parlera plus tard de leur remontée, leur descente, mais voici Rollins Band avec Illumination, tout de suite au Palmarès en rappel présente. Et Palmarès moins 6. Assez fou. 89 ans. FM. C'était beau ça. Hein? J'aime ça. Quelle complicité. Ouais. Patti Smith, Glitter in Their Eyes, en cinquième position, remontée de 5 places si on était en l'an 2000. Hein? C'est une remontée de 5 places quand même, hein? C'est pas anodin. Vous écoutez les palmarès moins 6. Donc, avant Patti Smith, Glitter in Their Eyes, en cinquième position, on a entendu The Suicide Machines en septième position. Donc, remontée de 4 places. Entre les deux, on a raté Rage Against the Machine avec Calm Like a Bomb, qui était en descente de 2 places. Et au début du bloc, c'était Step Kings avec Right is Wrong, descente de 3 places pour eux. Et puis, on a sauté aussi par-dessus Drug Plan, je crois qu'on l'avait pas dit, en 9e position, descente de 3 places pour la pièce Breakdown. Évidemment, c'était il y a 6 ans que ça se passait. Maintenant, il nous reste 2 pièces, mais on s'en va tout de suite avec Balayer le plancher. On fait le tour du monde des gens stupides qui font des choses stupides et on commence à Tokyo, au Japon, où un cambrioleur japonais qui croyait avoir eu la chance en trouvant une porte non fermée à clé dans un immeuble d'Osaka a été stoppé net dans sa tentative par une vingtaine de lutteurs de sumo qui habitaient là. Donc, et je cite, « J'ai attrapé ce type et je l'ai serré dans mes bras », a raconté Dewano Sato, lutteur d'1m80 et 131 kilos. « J'ai d'abord été saisi par un homme massif et quand la lumière a été allumée, j'étais cerné par plus d'une douzaine de sumotori », a expliqué à la police Konoshin Kawabata, un chômeur de 48 ans. Il dit être surpris. Le cambrioleur a été surpris. À Reims, en France, un braqueur s'est fait arrêter à Reims le week-end dernier alors qu'il traînait péniblement son butin dans un sac d'un montant de plus de 6000 euros. De 7222 euros, mais surtout d'un poids de 50 kilos. C'était trop lourd pour lui. L'homme a été présenté en prison lundi et placé en détention dans l'attente d'un jugement fixé au 11 avril. Il a 38 ans et a été déjà connu pour différentes infractions selon la police. Donc, il a bien de la misère à transporter son butin. On continue, on termine en fait à Amsterdam où la gagnante d'un concours de poésie enfantine âgée de 10 ans a été contrainte de rendre son prix parce que les lecteurs de journal ont relevé que ses vers étaient en fait l'œuvre d'un auteur pour enfants très connu, Francine Oumen, une fille de 10 ans. On n'est jamais trop jeune pour tricher, je pense. C'est jamais tellement payant non plus de le faire. Jamais. Surtout là, elle a perdu un prix tellement fantastique. Les parents d'écolières ont accepté de rendre les 125 euros qui accompagnaient la distinction. C'était rapide comme tour du monde, des gens stupides qui font des choses stupides, mais pourquoi on est pressé dans le temps? Il nous reste 2 pièces à passer. On va sauter par-dessus la 4e position, qui serait Powerman 5000 avec Standing 8, descente de 3 places. Malheureusement, le disque était manquant. En 3e position, on entendrait Bloodhound Gang avec I Hope You Die, remontée de 6 places. Mais on va l'entendre 2 positions qu'on nommera après. Mais petit indice, il n'y en a pas parce que je préfère des indices, mais les groupes sont plus connus aujourd'hui. Donc, dans le fond, pourquoi en faire? Voici un groupe quelconque au palmarès moins 6 sur CIF 89.1 FM. Marc aussi, il est là. Dis un mot. Encore, non, j'ai encore là. Ben, je sais que ça. Ouais, ok. En direct des studios de C'est Fou 89.1 à Trois-Rivières, c'est les palmarès. En rappel, les palmarès, moins 6. Yes, c'est la fin de l'émission. Marc Périard, rédacteur en chef du Journal Campus, bonjour. Oui, ça va, toujours. Ça va toujours. Écoute, c'était 4 heures merveilleuses qui ont passé en un clin d'œil. Ça a passé très vite, comme à chaque semaine. Quand on a de la bonne musique, tout va bien. Absolument. Absolument. Donc, résumons un petit peu le top 5. On a sauté par-dessus Powerman 5000 avec Standing 8 en descente de 3 places pour venir en 4e. Ensuite, Bloodhound Gang avec I Hope You Die en remontée de 6 places de la 9e à la 3e. Ensuite, on a écouté Primus avec Electric Uncle Sam stable en 2e pour une 7e semaine. Et le numéro 1 anglophone aurait été Nebula avec To The Center en remontée de 2 places. Mais à la place, on a entendu la première francophone pour faire changement. Et parce que Mephisto aime bien aussi Massisteria avec la pièce Finistère Amer stable en première place pour la 4e semaine si on était en l'an 2000. Donc, vous avez entendu au complet ou presque les palmarès anglophones tels qu'ils étaient dans la semaine du 31 mars au 6 avril 2000. Et avant ça, c'était les palmarès normaux, évidemment. C'est très bon, ça aussi. On pourrait rappeler les premières positions qui étaient Paul Amarani et les nouveaux mariés avec Gare Academy du côté francophone et Madcaps avec Fire du côté anglophone. Donc, ce soir, sur les ondes de C'est Fou, que du bon stock encore. Le Mephisto Show commence à 21h. Une émission de rock métallisé. Comme à l'habitude. Mais oui. Mephisto et Lady Control Freak. Oh. Yes. Ensuite, à 23h, c'est votre séance de Bzzz Electrochoc avec DJ Redson. Et à 1h du matin, c'est la nouvelle émission. En fait, deuxième nouvelle émission. Mais nouvelle émission, mais deuxième épisode. Vous comprenez le principe, le concept. Le lien, on s'en fout. Mais... L'intoxication électronique, ça commence à 1h et à 3h. C'est les choix de Satan. Ça vous va, ça? Les choix de Satan. Les choix de Satan. Donc, je remercie évidemment Marc Périard, rédacteur en chef du Zone Campus. Comme toujours, on te suit à toutes les semaines et le nouveau numéro sort lundi. Lundi, disponible lundi, oui. Très, très bon. On va être là pour ça. Et zonecampus.ca, c'est évidemment le site web pour toutes les informations. Moi, je vous retrouve dans l'émission de jeux vidéo et d'informatique La Connexion, jeudi à 11h ou mardi à 10h. Je vous retrouve aussi dans La Chance au coureur, l'émission de nouveautés musicales, les vendredis de 11h à 13h et les mardis de 13h à 15h. Je l'ai eu. On plug. Et voilà. Et évidemment, Jack sera de retour la semaine prochaine pour une autre édition des Palmarès C'est Fou. Mais d'ici là, faites attention à vos genoux. Bonne journée et bonne chance. Ciao.